Exercice spirituel de Saint Ignace de Loyola, traduit sur le texte espagnol par le Père Pierre Génesseau, J. de Gigor, éditeur, 1913. La Sainte Communion. L'oraison préparatoire ordinaire. Premier prélude, me rappeler que, dans quelques instants, je m'approcherai de la Sainte Table, où je recevrai mon Dieu caché sous les espèces sacramentelles et adoré par les anges. Second prélude, demander une fois vivant vers ce mystère, une tendre confiance, un respect profond, un ardent amour. Premier point, disposition fondamentale, une foi vive. Ceci est mon corps. Matthieu 26, 26. Tel n'est pas le témoignage de mes yeux, de mon goût, du toucher. Mais, dans ce mystère, je ne dois consulter que Louis, me dit l'ange de l'école, rhythmus saintomae, adorote et dévote, et ce sens entend de la bouche même du Fils de Dieu cette puissante parole, ceci est mon corps. Celui qui vient à toi, ô mon âme, est donc le sauveur du monde, vrai Dieu et vrai homme, ton ami, ton frère, ton époux, ton protecteur et ton père. Sous ces faibles espèces est véritablement présent son corps très pur, formé par l'opération du Saint-Esprit dans le sein de la plus pure des Vierges. C'est le corps qui a guéri tant de malades par son attouchement, Luc 6, 19, et sous la majesté duquel les flots se sont affermis, Matthieu 14, 25. Il est uni à ce sang précieux qui a été répandu pour la rédemption de tous les hommes dans la circoncision, au jardin, au prétoire, sur le calvaire. Il est uni à l'âme la plus belle, la plus sainte qui soit jamais sortie des mains du Tout-Puissant, et qui nous montre, avec plus d'évidence que toutes les créatures réunies, la sagesse, la puissance, la bonté du Créateur. Au corps, au sang et à l'âme de Jésus, est uni hypostatiquement, c'est-à-dire en unité de personne, le Verbe, qui est la seconde personne de la Sainte Trinité. Ce n'est pas tout, où est le Fils qui vient pour te nourrir, là est le Père qui vient pour t'adopter, le Saint-Esprit pour te sanctifier. Tant de vérités consolantes et merveilleuses, les crois-tu ? Je crois tout ce que le Fils de Dieu a dit, rien n'est plus vrai que cette parole de vérité, rhythmus saintomae. Oui, Seigneur, je crois, mais fortifiez la faiblesse de ma foi, Marc 9, 23, et faites-moi comprendre les sentiments que cette vertu doit exciter dans mon âme en approchant de la table où je vous reçois. Second point. Premier sentiment commandé par la foi, la confiance. Puisque le Fils de Dieu a fait des choses si étonnantes, opéré tant de merveilles, surmonté tant d'obstacles pour s'unir à moi, pour me communiquer ses biens et ses trésors, quels avantages ne dois-je pas espérer de sa venue dans mon cœur? Je suis dans l'aveuglement, il m'éclairera, je suis faible, il me fortifiera, je suis pécheur, il me purifiera, je suis attaqué de nombreux et puissants ennemis, il me défendra. Son âme enrichie de toutes les vertus, enrichira et ornera mon âme dénuée de tout bien. Jean 1, 16. Son corps sacré, doué d'impassibilité, de clarté, de subtilité et d'agilité, communiquera à mon corps enclin au mal une certaine impassibilité pour le péché, la clarté d'une vie exemplaire, la subtilité et l'agilité pour pratiquer les actes des plus héroïques vertus. Enfin, il répandra sur moi l'onction de la divinité. Voilà que les anges du ciel, étonnés de cette merveille, diront avec vérité d'une chétive créature, en elle habite la plénitude de la divinité, non simplement par son opération et l'effusion de sa grâce, mais selon toute sa substance, et corporellement. Colossiens 2, 9. Car, ce que le Verbe n'a pu faire dans l'incarnation que pour un seul, il l'étend à tous les hommes dans ce mystère d'amour, où il se communique et s'unit réellement et personnellement à tous ceux qui le reçoivent. Par cette union intime, il établit entre la créature, et par conséquent entre toi, ô mon âme, et l'adorable Trinité, les rapports les plus étroits et les plus honorables, puisque le Père ne dédaigne pas de t'appeler aujourd'hui sa fille, le Verbe, sa sœur, l'Esprit Saint, son épouse. J'agirai donc avec une entière confiance, et je ne craindrai point. Voici mon Dieu, mon Sauveur, il est ma force, il est ma gloire, il est mon salut. Puise, ô mon âme, puise avec joie des eaux pures aux fontaines du Sauveur. Chante ses louanges, invoque son nom, publie parmi les peuples les inventions de son amour. Chante au Seigneur, parce qu'il a fait en ta faveur des choses magnifiques, annonce sa grandeur par toute la terre, tressaille d'allégresse, parce que le grand, le Saint d'Israël est au milieu de toi. Ésaïe 12, 2 à 6. Troisième point, second sentiment commandé par la foi, le respect. La confiance sans le respect serait témérité et présomption, le respect sans la confiance serait une injure à la bonté divine. Mais le respect, si nous l'entendons bien, loin de diminuer notre confiance, la fortifiera, parce que ce dernier sentiment, lorsqu'il est accompagné d'un humble respect, est à l'abri de tout danger d'illusion, et peut-être sans borne. Efforçons-nous donc de ne participer au banquet divin que pénétrer d'un sentiment intime de notre néant et de la grandeur de celui qui s'abaisse jusqu'à nous. Imitons l'humilité du centenier de l'Évangile, qui se regardait comme indigne de recevoir Jésus-Christ dans sa maison. Matthieu 8, 8. Imitons le respect de Jean-Baptiste, qui, sanctifié dès le sein de sa mère par la présence du Sauveur, ne se jugeait pas digne de délier les cordons de ses souliers, Jean 1, 27. Qui ne consentit à le baptiser dans le Jourdain qu'après en avoir reçu le commandement de sa bouche. Matthieu 3, 14. Que n'eût pas fait le saint précurseur, et à quel degré d'abaissement ne se fût-il pas réduit, si Jésus eût voulu, non se faire baptiser par lui, ce qui n'est qu'un acte extérieur, mais entrer intimement dans son corps, comme il entre dans les nôtres. Imitons enfin les chérubins et les séraphins, ces nobles et pures créatures, qui s'inclinent devant le tabernacle où réside le Dieu caché, avec des sentiments de respect et d'adoration que nos esprits ne peuvent comprendre, que nos langues ne sauraient exprimer. Ô mon Sauveur et mon Dieu, qui ne laissez pas d'être le roi des siècles, le Dieu saint, le Dieu juste, le Dieu puissant, le Dieu fort, parce qu'un voile vous dérobe à mes faibles yeux, que ma foi supplée aux défauts de mes sens, hymne pangélinga, et que je ne participe à vos ineffables mystères qu'avec le respect des anges, qui, sur la terre au sacrement de nos autels, comme au ciel sur le trône de votre gloire, contemple face à face et sans nuage votre divine majesté. Quatrième point. Troisième sentiment commandé par la foi. L'amour. Ce sentiment doit animer et vivifier tous les autres. Dieu est amour, dit l'apôtre bien-aimé. 1 Jean 4, 3. Le Sauveur vous l'a bien prouvé par tous les mystères de sa vie et de sa mort, mais il ne l'a jamais montré avec plus de force que dans l'institution de ce divin sacrement. Comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'à la fin. Jean 13, 1. Notre Seigneur, disent les pères du concile de Trente, en quittant la terre pour s'en retourner à son père, institua le sacrement de son corps et de son sang, où il montra l'incomparable affection qu'il porte à l'homme en répandant sur lui toutes les richesses de son amour, et en faisant de ce mystère l'abrégé de toutes ses merveilles. Aussi le docteur Angélique appelle-t-il la Sainte Eucharistie le sacrement de l'amour. Thomas d'Aquin, 58, 25. Pourrez-vous jamais, dit Saint Bernard, concevoir par la pensée combien est grand ce Saint des Saints, ce sacrement des sacrements, cet amour des amours et cette douceur de toutes les douceurs? Mais ce qui me prouve d'une manière touchante les sentiments de Jésus, ce sont les opérations saintes et les fruits de salut qu'il se propose d'exercer et de produire lorsqu'il descend dans mon cœur. Il vient à moi en qualité de sauveur, pour me pardonner mes offenses, en qualité de médecin, pour me guérir de mes maladies spirituelles, en qualité de maître, pour me montrer le chemin de la vérité et de la vertu, comme le grand prêtre de la loi nouvelle, pour m'appliquer les mérites de son sang, comme pain vivant, pour me nourrir et me fortifier, comme époux, pour s'unir étroitement à moi et me donner, ainsi qu'à l'épouse des cantiques, le baiser de paix, enfin comme feu dévorant, pour consumer tout ce qu'il y a en moi de terrestre, car c'est bien à Jésus-Christ caché sous les voiles eucharistiques que l'on peut appliquer les paroles que saint Paul a prononcées dans un autre sens, « Notre Dieu est un feu dévorant ». Hébreux 12, 29. Ce qui a fait dire à saint Éphrem ces étonnantes paroles, « Le Seigneur nous a donné du feu à manger et à boire dans ce sacrement ». S'il en est ainsi, reconnaissons que l'amour ne se paie que par l'amour, et courons à la table sainte avec les désirs brûlants de tant de saints amants du Sauveur, avec les doux et ardents transports de l'heureuse mère de Jésus. Marie, nous dit dans un langage touchant le chancelier Gerson, contemplait la manière miraculeuse dont son divin fils était présent dans ce sacrement. Ce fils qu'elle avait couvert des caresses et des baisers les plus doux lorsqu'elle le voyait sourire sur son sein. Elle pensait que la même chose lui était encore permise, non de la même manière, mais avec autant de mérite. Elle le baise donc, elle le touche, et, ce qu'elle n'aurait pu faire alors, elle se nourrit de son corps et de son sang, et reçoit ainsi la vie, puisqu'il a dit lui-même, « Celui qui me mange vivra en moi et par moi. » Vous eussiez regardé comme la plus signalée faveur, ô âme chrétienne, que la Vierge bienheureuse eût autrefois posé son divin Fils sur votre sein, qu'elle vous eût permis de le couvrir de baisers, mais, voilà que vous avez un bonheur plus admirable et plus méritoire. Gerson, tome 3, 9, Super Magnificat, 3. Colloque. Appelez donc cet aimable sauveur de tous vos vœux, et dites-lui, ô Jésus, mon âme vous a désiré pendant la nuit, et je me suis éveillé dès le point du jour pour vous chercher de toute l'étendue de mon cœur. Ésaïe 26, 9. Heureuse, mille fois heureuse, l'âme qui peut vous recevoir dignement et goûter avec plénitude la joie de votre présence. Qu'il est grand le Seigneur qu'elle reçoit. Qu'il est aimable l'hôte qu'elle possède. Que l'ami qui se donne à elle est doux et fidèle. Que l'époux qu'elle embrasse est digne d'être aimé. Que le ciel et la terre se taisent devant vous, ô mon bien-aimé. Que toutes les puissances de mon âme vous écoutent. Imitation, livre 4 chapitre 3, numéro 4. Venez. Seigneur Jésus, venez, Apocalypse 22, 20. Prière, âme de Jésus-Christ. Markendanarchive.org, 2020, d'après Archive.org Université de Toronto, Université d'Ottawa et Livre Mystique.com, licence Creative Commons, pas d'usage commercial,